Le marché IGA, Denis Cloutier a décidé de fêter en grand la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix de Normandin avec des spéciaux imbattables. Cuisse de poulet à 99 cents de la livre. La crème glacée de plusieurs marques comme Kit Kat, Rolo et autres à seulement 97 cents. La pizza surgelée Mike's à 5,98 $. Le marché Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril à Normandin. Monsieur Denis Cloutier et tout le personnel souhaite la meilleure des chances aux organisateurs de la classique Jeannie Larouche Family Prix et invite toute la population à participer aux activités. Vous cherchez un endroit rêvé pour vos vacances? Le site touristique Chute à l'ours de Normandin est l'endroit idéal. Situé en pleine nature, le site touristique Chute à l'ours offre des chalets et des chambres de motel. Pour réservation et information, chutealours.com ou 418-274-3411. Le site touristique Chute à l'ours est fier d'être un partenaire de premier plan de la classique de volleyball Family Prix Jeannie Larouche et vous invite à participer en grand nombre aux activités. On va parler avec notre ami Pascal Masson. Évidemment, les Alouettes, la semaine passée, on fait parler d'eux. Les Alouettes, quelle défaite de 50-11. On en parle avec Pascal. Salut, Pascal. Salut, Dan. Pascal, je veux te parler... J'ai beaucoup de choses à te parler cette semaine. Je veux te parler d'abord, dans un premier temps, de la déclaration de Pascal... pas Pascal Masson, mais c'est toi, Pascal Masson, mais de Mathieu Proulx. De Mathieu Proulx, ouais. Sur les ondes de Radio X Saguenay. Mathieu Proulx qui était en entrevue la semaine passée, évidemment c'était la frénésie de Johnny Manziel. Il disait, attendez-vous pas à des miracles, là, parce qu'il dit, un joueur qui arrive de la NFL à apprendre le cahier de jeu, apprendre tous les règlements et les subtilités de la Ligue canadienne de football, avant d'être à l'aise, c'est un an. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, facilement. Écoute, c'est sûr qu'il y a des positions qui sont plus simples au niveau de l'intégration pour un joueur américain, là, pour un joueur provenant du football américain. Exemple, je pense que un demi-coin côté court peut avoir une assimilation plus facile du changement parce que le terrain est un peu plus grand, mais tu sais, du côté court, ça peut ressembler à un côté large du côté américain, un ailier défensif des fois, mais c'est sûr que un corps arrière, un receveur de passe où il y a un élan et qu'il doit avoir une lecture différente d'une défensive, un secondaire, un corps arrière, c'est toutes des positions qui prend un certain temps à apprivoiser ce sport-là. Et un an, ça fait du sens pour être à l'aise. Okay. Il y en a qui vont le faire plus rapidement, les super bons joueurs de la CFL, ben c'est ceux qui ont réussi probablement à s'ajuster le plus rapidement possible, mais je te dirais que oui, je suis d'accord avec cette affirmation-là, parce que c'est un sport en soi un peu différent. Là. Ouais, c'est clair, c'est un sport différent. Mm-hmm. C'est pour ça que les gens qui disent que qui comparent toujours la NFL à les Canadiennes, puis ça, je trouve ça m'agace un peu, parce que c'est quasiment pas le même sport, c'est pas les mêmes stratégies, c'est tellement pas pareil. C'est deux sports différents. Deux sports différents qui se ressemblent. Qui se ressemblent beaucoup, sauf que... Tu sais, moi, là, je compare ça un peu lorsqu'on regarde le hockey en Europe puis le hockey de la NHL. C'est pas le même hockey, c'est pas les mêmes genres d'athlètes. Oui, il y a des gars de la NHL qui vont aller jouer en Europe puis qui vont bien jouer, mais il y a certains bons joueurs de la NHL qui vont avoir de la difficulté sur des grandes patinoires, sur la différence des règlements, puis pareil de vice-versa. Et c'est encore... c'est un peu ça, mais c'est encore plus grand que ça, parce que Pascal... C'est encore plus grand que ça, parce que le nombre de joueurs change, le nombre de Les stratégies sont pas pareilles. T'sais, au football canadien, au football de la NFL, tu peux jouer beaucoup les deux premiers jeux, tu peux jouer au sol, tu peux écouler le temps, tu peux... tandis que dans les canadiennes, c'est pas ça, là. Non, c'est complètement des stratégies différentes. Totalement différentes. Effectivement, on peut pas nécessairement... moi, tu sais, ça me fait tout le temps rire quand j'entends quelqu'un qui dit « Oh là, moi, j'écoute juste la NFL, j'écoute pas la CFL. » Ben ça, c'est pas des fans de football, c'est des fans de ligue, c'est un fan de la NFL. Si t'es un fan de foot, t'es capable d'aller chercher des côtés au niveau de la CFL, du football qui t'intéresse, tandis que t'es capable d'aller chercher d'autres côtés de la NFL qui peut t'intéresser aussi. T'sais. J'aurais aimé ça voir un Tom Brady dans ses bonnes années, un Peyton Manning dans les Canadiens, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah ben là, dépendamment dans quelle équipe tu le mets, là, mais c'est sûr qu'un joueur d'élite réussit à être l'élite pareil dans une autre ligue, ça je suis persuadé. Okay. Mais parce moi, je pense que qu'est-ce qui est difficile, c'est pour les joueurs qui n'ont pas réussi nécessairement à s'établir qui s'en viennent ici, ben là, c'est encore plus difficile. Mais tu sais, juste un point là, par rapport à ce que tu as dit de Mathieu Proulx, que ça prend un an, là. Ouais. On a comparé beaucoup Johnny Manziel à le carrière de Toronto la semaine passée, là, qui a gagné, là, et on, là, son nom m'échappe. Là, le cadre qui a un an, oui, il y a un an, ça faisait un an qu'il était dans le système des Argonauts. Je me suis retrouvé pendant que tu lui parles. Exactement, parce que tu sais, il disait, j'ai vu un article qui disait Bedell Thompson. Ouais. Okay? Bedell Thompson était à son premier départ et il a lancé pour 300 verges, 4 touchés, une interception, tandis que Manziel était à son premier départ également et là, ils ont donné les statistiques, sauf que mais l'autre Thompson, ça faisait un an qu'il est dans CFL. Puis c'est pas juste ça non plus, t'as le système de Mark Trussman qui favorise plus les cartes de pochette. Aussi, qui aide beaucoup, là. Ouais. Ça, on va s'entendre là-dessus. Mais n'empêche, c'est un an qui roule, qui connaît, qui voit les différences par rapport aux défenses, aux défensives américaines, canadiennes. Fait que, on peut pas dire que, tu sais, oui, on peut blâmer Manziel de bien affaire, là. Je suis sûr qu'il reprendrait une coupe de passe qu'il a faite la semaine passée, là. Mais il faut falloir être patient. OK. Mais ça veut-tu dire que pour Mike Sherman, c'est la même affaire? Oui, c'est sûr. C'est sûr ouais, que. Un, et même plus encore. Oui, et c'est sûr que ça va. Ça prend un certain temps avant de comprendre les genres de joueurs que ça lui prend, comment utiliser son personnel, comment coacher ses coachs, ouais, à quel niveau qui se doit d'être. D'être découragé, à quel niveau qu'il se doit d'être patient, c'est sûr que ça, c'est un ajustement pour lui aussi, ouais. OK. Johnny Manziel, moi, il yes. y a du monde qui ont dit, écoute, ils ont dit, il n'y avait pas d'affaire à être dans mêlée la semaine passée. Bon, écoute, c'est facile à dire après, là. Moi, je dis que les Alouettes ont... ce que je veux dire là-dessus, c'est que ils ont certainement joué... Ce qu'on a dû demander à Manziel, c'est comment dans la NFL un carrière recrue commence, il dit fais-nous pas gagner, mais fais-nous pas perdre. Mais Manziel, oui, il y a eu 4 interceptions, mais t'en regardes ça, c'est pas tout de sa faute, les 4 interceptions. Et tu sais, la défensive qui sont pas capables de faire des gros jeux, manque des plaqués, les unités spéciales qui sont pourries. T'as pas le même match si la défensive est capable de faire des gros jeux aussi, là. Mais on parle des Alouettes depuis ensemble depuis le début de l'année. On parle beaucoup de l'attaque. Mais moi, depuis les dernières semaines, là, puis depuis un bout de temps, là, à part la game contre BC, là, puis peut-être leur victoire, là, moi, la défense des Alouettes, je la trouve terrible. Pas capable de tenir Rich Stober, pas capable. Et Rich Stober, qu'on dit que c'est quand même. Rich Stober, qu'on dit que c'était un des bons coordonnateurs de la Ligue canadienne de football. Écoute. Non, là, mais il a été mis. Stober, là, était supposé d'être un mentor pour Carter, qui avait été engagé comme. Ça, first, moi, quand j'ai appris que c'était Carter qui allait être. Khalil Carter, là, qui allait être le defensive coordinator, le coordinateur défensif des Alouettes, je disais, bon, une autre décision encore là qui pose question. Puis comme de fait, ça il a même pas duré. Il était là le off-season, puis dès que ça a commencé, ils l'ont mis dehors parce que ça marchait pas pendant tout. Puis là, ben qu'est-ce que tu fais? Ben tu prends le mentor qui, lui, est proche de sa retraite, qui a toujours eu des bonnes équipes. Là, il est pris avec une équipe ordinaire. Et puis, il prend son système, puis il essaie de mettre ça là-dedans. Ça donne des résultats comme ça, faut pas être surpris. Puis, effectivement, Stubler, il y a beaucoup de torts là-dedans, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus Kavis Reed que des torts, là, d'avoir mis toutes ces personnes-là dans cette position-là. Avec 4 victoires, 21 défaites depuis qu'il est directeur général des Alouettes. 4 victoires, 21 défaites. Mais Pascal, je reviens sur Manziel. Moi, j'ai vu des belles choses pareil la semaine passée. Le gars, il est un méchant compétiteur, là. Après l'interception, t'as-tu vu comment il est allé courir pour aller plaquer? C'est drôle que tu parles de ça. Ça a été exactement le genre de signe qui démontre une force de caractère d'un joueur. Incroyable. Moi, je suis d'accord avec toi. Johnny Manziel, bon, il n'a pas connu un grand match, sauf que c'est tout le monde qui dit, bon, on l'a mis trop vite dans la mêlée. Si Si Johnny Manziel il avait une seule chance de se faire valoir, effectivement, on l'a mis trop vite dans la mêlée. Si Johnny Manziel est notre carrière pour les deux prochaines saisons et qu'on veut le développer, mais regarde, on l'a mis dans l'eau chaude, mais je pense que on est capable de brasser Johnny Manziel en lui donnant un, en démontrant sa force de caractère, justement en le mettant dans la mêlée avec un cahier de jeu réduit, avec une équipe ordinaire. Parce que c'est pas vrai, c'est 3 semaines de préparation qui aurait fait que ses joueurs à côté de lui seraient devenus meilleurs. On s'entend là-dessus. Oui, puis il connaît la défensive des Tiger Cats. Tu sais, moi, là, je m'attendais à une défaite. Bon, 50 à 11 et 50 points n'ont pas été marqués par Johnny Manziel. Accordés par Johnny Manziel, je veux dire. Mais je m'attendais à une défaite. Bon, ça fait mal 4 interceptions pour le moral, mais je pense que Johnny Manziel en a vu d'autres qu'il est justement en train de se forger un caractère, puis que d'ici la prochaine saison, c'est là qu'on va pouvoir l'évaluer. On n'évaluera pas Johnny Manziel contre le match, après le match contre les Tiger Cats. On va l'évaluer après la fin de saison. On va l'évaluer après un moment qui a été mis sur le terrain. Puis là, ça va être vraiment le résultat de ce qu'on peut s'attendre. Là. Ah ouais, puis écoute, puis au prix qu'on l'a payé, on l'a pas payé pour être sur le banc. Mais ça aurait rien changé qu'on mette Vernon Adams puis qu'on perde pareil. Regarde, il a embarqué, il a cassé la glace. Là, sa glace est cassée. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut pas faire pire samedi. Non, c'est sûr. Statistiquement parlant, ça peut pas être pire. Ouais. Fait que, tu sais, puis les Alouettes, là, sont tellement sorties flates. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'as est-ce un nouveau que c'est corps, ben là, on va en parler. Les estrades. On va en parler parce qu'on va faire une pause tout de suite, puis je veux quand tu parles de flat, Pierre Vercheval a écrit un bon papier, puis je veux t'entendre. Mais on va faire une pause. Vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Pascal Masson sur les ondes de Dan Radio Sport. Du 10 au 12 août prochain aura lieu la 17e édition de la classique de volleyball de plage Family Prix Jeannie Larouche. Ici Mario Fortin, maire de Normandin. C'est avec un immense plaisir que j'invite les gens à venir en grand nombre assister à une performance de haut niveau des participants provenant de tout le Québec. Venez assister à des matchs enlevants de joueurs de tout âge qui vont vous en mettre plein la vue. Nous vous attendons en grand nombre au site touristique de la Chute à l'Ours de Normandin afin de venir encourager ses athlètes. Je veux remercier le président de la Classique, Danny Bouchard, et toute son équipe de bénévoles qui n'ont ménagé aucun effort afin de vous offrir une Classique de qualité pour cette 17e édition. Bonne chance à tous les joueurs et on vous attend en grand nombre. On est de retour à danradiosport.com. Pascal, effectivement, là, je voulais t'emmener sur quelque chose. Pierre Vercheval a écrit un excellent papier la semaine passée, puis je pense qu'il a mis le doigt sur le bobo. Lui, il dit que Mike Sherman entraîne trop ses gars. Les entraînements sont trop longs, trop intenses, et ça fatigue les joueurs. Il parle des joueurs qui sont blessés. Il y en a deux autres qui sont tombés au combat cette semaine. John Bowman et également Vernon Adams. Toi, tu étais joueur, Pascal. Moi, je n'ai pas été joueur. Est-ce que tu penses que les Alouettes s'entraînent trop? Écoute, je ne suis pas dans le vestiaire des Alouettes. Je ne suis pas sur le terrain comme Pierre a pu les voir aller. Mais moi, ce que je peux dire d'expérience, puis moi, je l'ai vécu exactement ce qui se passe avec les Alouettes à ma toute première année, en 2004, avec les Stampeders de Calgary. On avait une équipe. On a fini 4 victoires, 14 défaites, okay, cette année-là. C'est rare que les Stamps. Et c'est exactement le syndrome du coach. Puis on avait un coach, c'était Matt Donegan, notre coach. Okay, un coach sans expérience de coach, puis en plus, son premier poste de coach dans la Ligue canadienne. On s'entraînait, on faisait des pratiques de 3 heures, tout le temps faux pas, c'est-à-dire avec les épaulettes, c'est pas du secondaire ou du collégial, là, où ce qu'il faut développer les fondamentaux, là. C'est une gestion d'adultes qu'il faut pas, c'est qu'on s'attend à ce que c'est des professionnels qui doivent connaître leurs choses, qui doivent être en mesure de se préparer également de leur côté, et il faut gérer les répétitions, et là, ben, on tombe dans un mauvais pli où ce qu'on se dit, ben là, on perd, on n'est pas bon, c'est pas vrai qu'on va slacker. Là, on met des grosses pratiques. les gars commencent à être épuisés. Donc, une fois épuisé physiquement, ce qui arrive, c'est que tu deviens épuisé mentalement. Puis, quand t'es faible, là, entre les deux oreilles, mais là, tu te décroches. Ouais. Là, tu te dis, de toute façon, on a une victoire, c'est une défaite. Puis là, tu essaies de passer à travers l'entraînement. Puis là, tu espères juste qu'il va te donner un congé, puis là, il ne te donne pas de congé. Fait que là, tu deviens frustré après le coach. Puis là, tu sais, c'est une roue comme ça, puis exactement ce qui est en train de se passer avec les Alouettes, et c'est ce que Pierre Vercheval a expliqué dans son, dans son texte. Mais c'est Mike Sherman, c'est un entraîneur d'expérience, c'est pas un entraîneur recru, là. Je suis surpris de ça. En fait, c'est une réaction naturelle à un entraîneur qui n'est pas content d'une équipe. Quand tu n'es pas content de quelque chose, quand tu es fâché après tes enfants, tu ne vas pas aller leur donner des bonbons. Hein? Tu vas les punir. C'est parce que là, à un moment donné, tu es puni puis tu es rentré dans une roue, dans un engrenage que tu n'es plus capable de te sortir. Là. Mm. Donc là, Si tu relaxes, ben là il y a du monde qui va dire voyons, c'est pas le temps de flatter les gars, là, c'est le temps de leur rentrer dedans. Tu joues comme tu pratiques, on l'a entendu ça là, au hockey surtout. Donc, mais c'est. Et Pierre, là, tu parles qu'à l'étranger, les Alouettes s'entraînent moins, c'est vrai. Et et il arrive avec cet argument-là, et c'est vrai qu'ils jouent mieux à l'étranger qu'à domicile. Ouais. Donc, peut-être c'est un lien avec le fait qu'ils ont plus de repos sur le terrain parce que tu voyages, fait que tu as plus de repos sur le terrain. Donc, peut-être que ça, c'est un lien. Puis l'autre aussi, point qui est important, là, c'est peut-être que Sherman là, leur a donné une semaine plus relaxe, je sais pas moi, la troisième ou la quatrième semaine, OK? Mm. Puis qu'ils sont venus sur le terrain, puis se sont fait planter encore. Puis il s'est dit, ah ouais, c'est comme ça que vous réagissez quand moi, je vous donne un anane. Tu sais, quand moi, je vous donne une position. Fait que c'est ça qu'on sait pas aussi dans la tête du coach et des entraîneurs adjoints. Et puis là, ben, c'est parce que diminuer les entraînements ou gérer les entraînements, ça vient aussi avec un résultat. Puis, face à ce résultat-là, tu répètes ce que tu as fait ou tu le changes. Tu sais? Mais là, en ce moment, peu importe ce qu'ils font, ils perdent. Fait qu'il sait juste plus quoi faire, d'après moi. Non. Mais ça a-tu un lien avec les blessures aussi? John Bowman, cette semaine, Vernon Adams également? Ça peut être clairement relié à la fatigue et tout ça. Eh bien, effectivement, j'ai pas les détails là, exactement de comment ils se sont blessés, mais... Ça peut être lié à ça, effectivement. Bon. Ben Pascal, évidemment, on va souhaiter une victoire des Alouettes. Ça va être difficile encore une fois. Donc, contre Ottawa, puis après ça, c'est Edmonton. Donc, bonne chance. Bonne chance. Mais tu sais, avant de souhaiter une victoire, là, moi, je veux voir du caractère. Tu sais, là, en ce moment, là, regarde, là, on s'attendra pas à des miracles là, à une victoire, 6 défaites. Là, bon, et mathématiquement, c'est toujours possible de faire les séries. Toronto sont 2-5, puis il y a un paquet d'équipes à 3-4. Là, sauf que s'ils perdent, c'est de la façon que tu perds. Okay? Tu peux perdre un match, puis développer une confiance pour la semaine d'après. Moi, je veux voir du caractère. Je veux voir du monde qui vont... je veux voir une ligne à l'attaque qui, même si elle est poreuse, elle travaille fort, tu sais, qui se communique, qui essaie de corriger leurs erreurs. C'est ce qu'on n'a pas vu là, clairement la semaine passée, l'autre semaine d'avant, tu sais. Ouais. C'est ça que je veux voir chez les Alouettes. Je veux même... C'est quoi, à la limite, je veux même pas savoir c'est quoi le pointage. Ouais. Je veux voir du caractère. Effectivement. Pascal, on se reparle vendredi prochain? Super. Commentaire de Pascal Masson.